Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Rétro Podcast. Ce soir avec moi, j'ai Rétroplay 80. Salut Rétro. Salut, salut. Voilà, donc on avait fait ensemble la Coupe du Monde 78 il y a quelques temps. Et on va passer bien sûr à la Coupe du Monde 1982. Une Coupe du Monde riche en émotions. Pour toi, cette Coupe du Monde 82, ça représente quoi, Rétro? Bah pour moi, tout simplement, c'est la plus belle Coupe du Monde que j'ai vécue. Bon, j'avais 10 ans à l'époque, donc voilà, quand t'as 10 ans, t'es en plein dans les albums Panini, t'es à fond dans le foot en fait, hein, voilà. Je pense que c'est pas comme à l'adolescence, où là c'est vraiment l'enfance encore, et il y a beaucoup d'innocence, il y a beaucoup de... et on est à fond quoi, et on comprend pas tout ce qui se passe non plus, tu vois, mais voilà, je pense que c'était vraiment une très belle époque, et pour moi, ouais, ça restera ma Coupe du Monde préférée, quoi qu'il arrive, quoi, voilà. Non, c'est sûr. Et donc, ce qu'on va faire, on va baser cette Coupe du Monde 82 sur l'équipe de France. Et on va débuter avec la qualification donc pour cette Coupe du Monde. Et l'équipe de France se trouve dans un groupe avec, si je dis pas de bêtises, donc 4 opposants, hein, donc un groupe de 5, hein, si Oui, je dis pas de bêtises. Oui, 5 équipes et un groupe très très très relevé. Voilà, un groupe très relevé. Alors, ça pourrait peut-être faire rire un petit peu à l'époque, mais donc, il y a la Belgique, l'Irlande, donc la République d'Irlande. Nous avons aussi les Pays-Bas et nous avons Chypre. Alors bon, autant dire que Chypre, voilà, c'est pas une grosse nation de foot à cette époque. Malheureusement, maintenant. Chypre aura 0 points, donc tout le monde a gagné contre Chypre. Contre Chypre, une équipe qui est assez faible. D'ailleurs, pendant le match retour de l'équipe de France, on en parlera tout à l'heure, pendant le match, il y a le commentateur de l'époque, donc c'était Michel Denisot. Hein, sur TF1, c'était, on avait le droit au duo Denisot avec... j'ai mangé son nom, excuse-moi. Celui qui présente sur l'équipe 21 en ce moment, qui a toujours les maillots rétro. Didier Roustan. Didier Roustan, voilà, pardon. Et sur France 2, nous avions droit avec... en tout premier temps, nous avions Thierry Roland avec Bernard Père, c'est ça ? Pendant la Coupe du Monde, c'était avec Jean-Michel Larquet. Même un petit peu avant la Coupe du Monde. Hein, parce que, oui, ils ont commencé, en fait, tous les deux, ils ont commencé, Larquet et Roland, ils ont commencé... leur premier match, je m'en souviens, c'était Saint-Etienne Ipswich Town en Coupe d'Europe en mars 81. Voilà, donc exactement. Donc ça va changer de binôme au cours de la saison 80. Voilà, au cours de l'année 80. Et donc c'est Michel Denisot qui avait dit que beaucoup de Chypriotes donc étaient amateurs. Hein, à l'époque, il n'y avait pas tout de professionnalisme. Mais ceux qui voulaient jouer en professionnel, et ils se déplaçaient directement en Grèce pour pouvoir avoir le statut, jouer en Grèce. C'est juste à côté, notamment, de toute façon. Notamment Panzarias, qui était le gardien de la sélection chypriote, et qui a joué en 79 notamment avec Laris Salonik contre Saint-Etienne en Coupe d'Europe. Voilà. Donc, on va commencer. Un groupe relevé, c'est ce que je voulais dire au début, à part Chypre, parce que la Belgique, début 80, c'est quand même une sacrée nation, finaliste de l'Euro 80. Et il y a des grands joueurs. Le championnat de Belgique, c'est quand même un championnat relevé à l'époque. C'est une équipe qui fait quand même rêver, quoi. Ah oui, la France à cette époque-là a un complexe face à la Belgique, parce qu'on gagne pas souvent contre eux. Et puis sur la scène européenne, les clubs belges sont vraiment tout le temps présents. Et le football belge à l'époque est bien meilleur que le football français. Voilà, on retrouve par exemple au but, si je dis pas de bêtises, Jean-Marie Pfaff, non ? À l'époque. Ouais. Voilà. Pfaff, il y a Prudhomme aussi. Prudhomme est en plus remplaçant. Mais voilà, il y a des joueurs, Kullmans. Vandenberg. Donc là, il y a du lourd. La Belgique est vraiment une très très belle nation. Voilà. Donc c'est vraiment un groupe très fort. Bon, le Pays-Bas s'en sort le déclin, mais ça reste quand même encore une équipe est à notre niveau. Voilà, donc Pays-Bas qui était finaliste de la Coupe du Monde 78, mais voilà, c'est vraiment une équipe qui commence à descendre un petit peu. Voilà, c'est sur le déclin. Là, c'est le déclin, il faut le savoir. Voilà, ça commence à être le déclin pour cette On équipe-là. verra de toute façon un peu plus tard. L'Irlande, c'est jamais facile à jouer. Et puis, bon, bah, Voilà, c'est ça. 78, hein, il y avait déjà France-Irlande, et se déplacer en Irlande, ça a jamais été facile. Voilà, c'est ça. En fait, l'Irlande, elle l'a montré pendant les qualifs. Pas une équipe qui était armée spécialement pour se qualifier, mais c'est une équipe qui prenait beaucoup de points sur sa pelouse. Donc, on sait qu'aller là-bas, c'était très compliqué. Et voilà, donc non, c'est franchement avec le recul aujourd'hui, c'était un groupe très très Ah difficile. oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est assez inédit, hein, entre la Belgique qui finira première du groupe Voilà. et les Pays-Bas avant-dernier, il y a 2 points. Voilà, il y a 2 points. Et d'ailleurs, donc à noter que les deux premiers du groupe se qualifient donc pour la Coupe du Monde directement. À part le groupe, il y a un groupe là, le groupe 7, par exemple, avec la Pologne, l'Allemagne de l'Est et puis Malte. Bon, c'est un groupe à 3, donc il n'y a que un qualifié, ce qui est tout à fait normal. Voilà, donc on va revenir à l'équipe de France qui joue son premier match en octobre 1980 et qui Voilà. va voilà qui se déplace à Chypre et là Ouais, c'est à la balade Limassol. voilà à Limassol et là c'est la balade de santé victoire 7 buts à 0. Oui, bah là, voilà, comme on l'a Ouais. dit, Chypre, hein, c'est des amateurs. Et puis, bon, je me rappelle, le terrain, c'était un terrain qui était très bosselé. Et c'est mine de rien, c'était pas évident de proposer du jeu. Voilà, bon, il y a une belle équipe de France, hein. Bon, là, c'était Dropsy qui était dans les cages. Mais il y avait voilà Batiston, Léonard Speich, Henri Michel, Maxime Bossis, Lario Stigana, qui jouait à Lyon à l'époque encore, Michel Platini, Baron Kelly, Bernard Lacombe, Didier Six. Voilà, il y a vraiment une belle équipe de France. Voilà. Et donc, bah, les buteurs se nomment Lacombe. Alors, c'est un but. Bah, je l'ai vu tout à l'heure, hein, parce que c'est vrai que j'avais jamais vraiment vu les images de ce match. C'est un mauvais dégagement. Mais alors, là, tu te croirais en niveau U7, je sais pas, je m'en rappelle plus, mais en niveau poussin hein, pour les anciens. Voilà, le gars qui dégage, mais qui rate complètement son dégagement de 6 mètres. Et puis, bah, c'est Bernard Lacombe qui récupère. D'ailleurs, le caméraman n'a même pas le temps. Le caméraman, il pense que le défenseur tire loin. Et le caméraman n'a même pas le temps de montrer Lacombe marquer son but. Même le ralenti, il n'y en aura pas parce que voilà quoi, il n'y a personne qui a Ah pris bah le. à Voilà, bon, l'époque l'époque la c'était très régie très. Voilà, c'était chaud. c'était très très succinct au Oui. niveau des caméras. Il devait y en avoir une ou deux sur le terrain. Ouais. Voilà, ensuite c'est Platini qui marque à la 14e minute, puis à la 23e minute. Ensuite, il va y avoir deux pénaltys, alors pas consécutifs, mais deux pénaltys marqués par Jean-François Larios, Ouais. qui est encore à l'époque enfin, salué lors des buts par Michel Platini. Hein. Oui. Ensuite, Didier Six qui marquera, et puis enfin Jacques Zimaco qui Dis-moi. marquera voilà, but à la 87e minute. Ouais, c'est important, et ça aura son importance sur la fin, Voilà, grâce au de faire le nombre. goal average, puisque la Voilà. France, on en parlera plus tard, se qualifiera à la différence de but. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est ça qui a fait la différence, c'est d'aller mettre des pions à Chypre le plus possible, et c'est ça qui va faire la différence à la fin. Voilà. Donc balade de santé pour l'équipe de France. C'est vrai qu'à ce moment-là, bon, on est voilà, bon, c'est un peu, c'est normal, hein, il n'y a pas voilà, l'équipe de France a fait le job. Ensuite, nous sommes toujours en octobre 80. L'équipe de France va rencontrer l'Irlande à Paris. Et la victoire 2 buts à 0 face à une bonne équipe irlandaise tout de même. Mais voilà, Oui, bon, rien, voilà, c'est. Normalement, une victoire à domicile contre les Irlandais, c'est tout à fait normal de toute façon. c'est clair, ça fait partie de la logique. Donc la France démarre bien, mais démarre normalement, c'est pas un exploit. Voilà, Voilà. ces deux victoires sont pas un exploit, c'est Voilà. juste on va dire qu'ils ont fait le job, quoi, comme on dit. Avec le but de Platini à la 11e minute de jeu et puis Ouais. Jacques Zimaco. Alors le hein, Jacques Zimaco qui est le premier parce qu'on beaucoup disaient que Christian Carambeu était le premier Canaque à. Hein, c'est faux. C'est faux, c'est bien Jacques Zimaco, Jacques Âtre Zimaco même, voilà, de son deuxième prénom. Joueur de, je crois qu'il, bah, jouait à Saint-Étienne à l'époque. Hein, Ah oui, c'est voilà, Saint-Étienne, c'était, oui. voilà. C'est Saint-Étienne. Et Jacques Zimaco qui rentrait toujours en seconde période. Hein, il était rarement dans les titulaires du début de match. C'était souvent Ouais. un remplaçant et marquait souvent en plus. Hein. Oui, il avait du gaz, donc c'est un joueur qui jouait beaucoup sur des accélérations. Il avait vraiment une pointe de vitesse intéressante. Donc c'est vrai que pour débloquer un match en deuxième période, c'était vraiment le joueur idéal pour ça. Voilà. Et là, on va passer à À un moment, un carrefour, comment on pourrait dire, à quelques mois où l'équipe de France va être en doute. Et d'ailleurs, en match amicaux, ça va être assez catastrophique. Ils vont rencontrer la RFA en novembre, ils vont perdre 4 buts à 1. Tout à fait, ouais. Voilà, bon, quand même la RFA, c'est pas non plus rien du tout, hein. C'est quand même une. Bah, à l'époque où ils sont champions d'Europe, hein, Ouais, ils ont voilà. gagné l'Euro. Ensuite, ils vont perdre en février face à l'Espagne. Ouais. Et on arrive le 25 mars 1981, et la France se rend donc aux Pays-Bas, et défaite, Ah, ouais, c'est voilà, énorme. à Feyenoord, hein, dans un stade rempli, et défaite de la France, 1-0 sur un but casquette. Alors attention, encore un coup franc dangereux donné par Arnold Muren ou par Kroll qui monte. Kroll. Arnold Muren qui va piquer le ballon. Oh là là! Et la balle finit dans le but! Tire sur coup franc de Kroll, la balle pleine lucarne. De Muren, pardon. Et la balle pleine lucarne finit sa course après avoir rebondi dans le but de Dropsy, et cela à la 47e minute. Et là, donc, un but de casquette il y a un coup franc, le coup franc est tiré, là, ça tape le poteau, et ça tape sur Dropsy qui marque contre son camp. Ouais. Et là, j'ai lu un petit peu par-ci par-là que c'était la fin de Dominique Dropsy, peut-être, qui aurait perdu tout espoir de sélection à cause de ce but. Je sais pas si toi, t'as des souvenirs de ça. Ouais, bah, Pas après, forcément. je sais pas. Mais la gestion, ça, j'en avais un peu parlé. Ouais. La gestion des gardiens, autant Michel Hidalgo, moi j'ai toujours trouvé que c'était un très bon entraîneur. Mais au niveau des gardiens, j'ai toujours On a trouvé toujours qu'il a un eu gros souci, ouais. une très mauvaise gestion des gardiens. On le verra à la Coupe du Monde Ouais, après. on en parlera tout à Et l'heure du choix des gardiens, ouais. voilà, et je sais pas. Puis bon, Strasbourg, bah, malheureusement, n'était plus, d'année en année, après son titre de 79, n'était plus Ouais, ils sont sur le un déclin. voilà, c'était le déclin. Donc après, bah, Dropsy, ouais, il a un peu fait les frais de tout ça. Mais malheureusement, on verra par la suite que ni Castaneda ni Ettori Oh. n'ont été un choix judicieux. Donc je pense que c'était une erreur. Ouais. Voilà. Donc on arrive le 29 avril, donc c'est la première défaite de l'équipe de France. On arrive le 29 avril 81 avec France-Belgique. Donc ça se joue à Paris. Et là, la France qui relève la barre et qui bat cette belle équipe de Belgique par 3-2. Mais ça a été très très compliqué. Ouais, mais ce qui est bien, c'est de rebondir sur une victoire après la défaite, hein, aux Pays-Bas. Enfin, c'est une belle équipe, en Et plus. voilà, et donc c'est une très belle performance. Et là, clairement, après cette victoire, malgré la défaite aux Pays-Bas, la France vraiment est bien positionnée dans le groupe. Ouais. Donc l'important, il est là. Après, c'est normal que ce soit difficile parce que vraiment, la Belgique à l'époque, c'est une très très belle équipe. D'ailleurs, ils ouvrent le score par Vandenberg. Vandenberg, ouais, d'entrée, à la Voilà. cinquième. Heureusement, donc c'est Gérard Söller qui va marquer. Gérard Voilà, bon, donc il joue à Bordeaux à l'époque, hein, joue voilà. à Bordeaux, ouais, tout à fait. Qui marque à la 14e, qui égalise à la 14e minute. Alors c'est Platini ne jouait pas, et c'est un coup franc que va tirer Genghini, ou Gen, attends, Genghini comme il disait, ou je me rappelle plus, il Ouais. l'appelait un peu bizarrement à l'époque. Donc ça tape la barre transversale et ça revient sur Gérard Soler qui reprend le ballon. Il va marquer Ouais. la 31e minute de jeu. Enfin, il marquera le troisième but, pardon. Et juste avant, Didier Six marquera. Donc 3 buts à 1 et il y aura 3 buts à 2, c'est Keulemans qui marquera la 52e minute. Mais bon, c'est un match quand même qui n'était pas facile, mais voilà, ils sont brillamment débrouillés. Et ils gagnent voilà, ce match qu'il fallait gagner face à la Belgique pour se remettre dans la course de la qualification. Ouais, tout à fait. On arrive ensuite et encore à un moment de doute. Bon, la France va jouer en mai face au Brésil, défaite 3-1, mais voilà, on verra par la suite que le Brésil, c'était une équipe vraiment fantastique en 82, et là, bon, ils font pas le poids face à cette équipe brésilienne. Bon, Ouais. c'est qu'un match amical, pour le moment, il n'y a pas trop de quoi s'alarmer face à une grosse équipe brésilienne. Mais Ouais. on arrive au 9 septembre 1981, et Ouais. la France se déplace en Belgique, et là, défaite 2-0. Ouais, là, c'est. Je me rappelle de ce match, je l'avais vu, moi. Je Ouais. l'avais vu à la télé. Ouais, bon, voilà, Bah, il y a beaucoup de changements. Il y a Pierre Iquilla, gardien de Bastia, Ouais. qui est donc out Dominique Dropsy. D'accord. Bon, alors, Pierre Iquilla, moi j'ai bien connu, parce que les 80, je connais. Pierre Iquilla, c'était un bon gardien de club. À Ouais. Bastia, il a. Voilà. Mais voilà, sans manquer de respect, c'est un très bon professionnel. Mais voilà, c'était pas le meilleur gardien non plus. Donc là encore, le choix de Michel Hidalgo est franchement très discutable. Bon, après, il y a l'apparition de Philippe Mahut en Ouais, défense première centrale, sélection, équipe ouais. de France. Il y a Alain Moisan qui est lancé en équipe de France. Alors il faut resituer dans le contexte. Alain Moisan, c'est pareil, c'est un très grand professionnel. Il joue à Lyon. À l'époque, Lyon était un club très très moyen du championnat, d'accord? Donc là non plus, le choix pour moi est discutable. Voilà. Après, avec le recul, c'est facile de. Mais voilà, Hyard, Moisan, bon, bah, c'est des joueurs de Ligue 1, mais enfin de D1 à l'époque, mais c'est pas le haut du panier. Et en face, ben voilà, t'as la Belgique, et voilà, et on perd 2-0 logiquement parce qu'on est mangé. Moi, je me rappelle hein, dès le début de match. Tu sentais bien que de toute façon les Belges, voilà, ils étaient plus forts. Et C'est voilà, sûr. donc. Et c'est un match qui se jouera, c'est bien au stade du Hesel, hein. Bah, c'est Koning Ouais. Boudewijn Stadion. Voilà. Mais je crois que c'est le stade du Hesel normalement, hein, si je dis pas de Normalement, c'est le bêtises. SL, mais bon. Ouais, voilà, bon, il y a eu, voilà, ceux qui connaissent l'histoire, 1985, la finale de la Coupe des Champions entre la Juve et Liverpool. Oui, Liverpool, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ben, il y a eu un drame, si tu veux expliquer, t'as sûrement mieux vécu ce Bah, moment-là. disons que, oui, bah voilà, à l'époque, bah, il y a eu un mouvement de foule dans la tribune. Comme beaucoup à l'époque, malheureusement. Voilà, oui, parce que la sécurité, bah, c'était pas du tout comme aujourd'hui, hein, faut le savoir. Et puis le stade du Hesel, il faut caractériser aussi comment ça s'est passé. Les tribunes à l'époque étaient faites d'une certaine façon que les places étaient censées être debout, Oui. d'accord? Et tous les donc on imagine hein, c'est des tribunes qui montent, les escaliers qui montent, et tous les je sais pas tous les 5 mètres tu avais des barrières en béton, tu Voilà. sais, donc ça c'est mortel on va dire. Ben, malheureusement, oui. Voilà, s'il y a un mouvement de foule, bah t'es tassé contre ça. Bon, bah voilà, je pense que aujourd'hui c'est facile de critiquer ça parce qu'avec la sécurité qu'il y a aujourd'hui dans les stades, où les stades aujourd'hui sont en place assise, mais à l'époque c'était pas le cas, et C'est pas d'ailleurs le cas. ça fait qu'une dizaine d'années hein, que les places sont assises hein, derrière les buts. Hein. Et d'ailleurs, il reparle de refaire des places debout, hein. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc Voilà, donc bon. voilà, bon, il y a un mouvement de foule, mais à l'époque, il faut resituer, il n'y avait pas le nombre de caméras qu'il y Oui, avait. oui, Les réseaux sociaux n'existaient pas. oui. Donc nous, on a vu le match. On a vu que le match avait commencé avec un peu de retard. On nous a dit qu'il y avait un mouvement de foule. Et c'est qu'après, à la fin du match et le lendemain, qu'on a su qu'il y avait des morts, en fait. Ouais. Il faut savoir que l'information n'est pas venue tout de suite comme aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc moi, ce que je me rappelle, c'est Platini qui se fait faucher à l'entrée de la surface moitié-moitié. Et il avait la trace de la ligne sur son Ouais, maillot. ouais. Donc, ce qui prouvait qu'il n'y avait pas pénalty. Et puis voilà. Mais moi, j'étais content pour Platini. Mais c'est vrai que à l'époque, c'est pareil. Voilà, moi, au drame D'ailleurs, du SL. ils avaient dit qu'ils en voulaient à Platini d'avoir célébré le but qu'il avait marqué, bah, le penalty. Il a Oui, eu mais je peux des attaques, resituer dans un voilà. contexte. Même les joueurs n'avaient pas conscience de ce qui se passait. Voilà. Aujourd'hui, voilà, il faut prendre du recul. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Voilà. Donc à l'époque, bon, même nous, on a su qu'il y avait des morts vraiment le lendemain. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais Ah ouais. 12-13 ans à l'époque. Et Platini, même les joueurs, bon, ils avaient bien conscience qu'il y avait eu un problème avant le match dans les tribunes. Mais Mais après, pas voilà. aussi grave, quoi. Oui, voilà, c'est que le lendemain qu'ils ont compris. Puis de toute façon, comme disait Platini, bah, une fois que le match est lancé, on est là pour le gagner, quoi. Et voilà, c'est sûr. C'est un peu dur, mais voilà, donc voilà, bon, pour ces petites apartés. Voilà, cette Et petite aparté, oui. pour revenir à ce match Belgique-France, c'est aussi l'entrée de Yannick Stopira dans le collectif Ah oui. de l'équipe de France. Il avait 20 ans à l'époque. Il jouait à Sochaux. Voilà, et il est rentré à la place de Moisan, parce que forcément la France est emmenée. Ah oui. Moisan est un milieu de terrain et Stopira est un attaquant, donc il a Alors fallu. Sochaux, c'est vrai que ça peut faire rire maintenant, parce qu'ils sont en Ligue 2, voilà, mais Sochaux à Non, mais l'époque, Sochaux à l'époque, c'était un c'était. gibier de jeunes pépites, quoi. Ah bah, Sochaux. Sochaux, c'était l'AJ Auxerre quelques années plus tard. C'était un vivier Voilà. de futures stars. D'ailleurs, le nombre de joueurs, Stéphane Pail, il le regrettait. Oui, Sauzet. Yannoui, Sauzet, Stopira, Bats. Bat, qui venait de là. Voilà, il y a eu plein de joueurs qui sont sortis de Sochaux. Oui. Franck Sylvestre. Enfin, voilà. Également, oui. Pour citer tout que. Voilà, donc Sochaux à l'époque. Puis bon, Sochaux, faut savoir, là, on est en septembre 80. Sochaux, la saison d'avant, a été demi-finaliste de Coupe UEFA. Avec des matchs dans la neige. Sur la neige, et puis ils ont sorti des grosses équipes, hein, des Voilà. équipes ouest-allemandes comme Francfort. Ah oui. Voilà, enfin, ils ont vraiment fait un super parcours. Et donc, Stopira, c'est un futur, un jeune espoir, comme Jean-Marc Ferreri le sera un petit peu plus tard. Voilà. Donc Voilà. défaite 2-0, grosse contre-performance de la France qui commence peut-être un petit peu à douter à ce moment-là. Oui, parce que là, ça fait, il faut le savoir, on est à deux défaites là. Voilà. Et bon, Et le problème, c'est qu'on a perdu donc contre des concurrents directs, hein, ouais. c'est-à-dire la Belgique et les Pays-Bas. Donc là, maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur. Et le match d'après, on Eh va en ben, Irlande. on va en Irlande et on sait ce que ça vaut, hein, en 78, enfin en 77 même, bon, non, même 78 peut-être, je me rappelle plus. La France avait déjà perdu face à l'Irlande et la rebelote, défaite 3 buts à 2 en Irlande dans un stade, ben, Lansdowne Road, hein, Bah, c'est l'Anzon Road, c'est le terrain de rugby normalement. voilà. Mais voilà, le stade est plein, 55 000 spectateurs, il y a une ambiance formidable. Et la France qui prend le bouillon là-bas, qui perd. Alors en plus d'entrée, Oui. hein, avec bah, Mahut qui marque Trente contre son demi. camp. Voilà, Mahut qui marque contre son camp. Bon, Bellone qui fera son, bah, qui marque, bah, qui jouera son premier match. Oui, Hein. Bruno tout à Bellone, fait. l'attaquant de l'AS Monaco, qui sera champion cette année-là, hein, la saison 80-82. C'est ça. Bellone qui marque un très joli but. Égalisation à la 9e minute de jeu. Alors déjà un partout à la 10e minute. Déjà, ça donne le ton sur le Bah, match. déjà, je pense que dommage, c'est que les Français avaient bien réagi. Oui. Parce que tu prends un but dès la troisième et puis à la neuvième, tu reviens. Donc ça veut dire que tu es bien d'aplomb, tu es bien dans ton match. Mais là, Exactement. encore une fois, je suis désolé, et pourtant j'aime beaucoup Michel Hidalgo, mais là, encore une fois, tu vois, Jean Castaner au but. Le match d'avant, on a Pierre Quillard au but, qui n'a Voilà. jamais joué en équipe de France. Il n'y a pas de Pierre Quillard, c'est Jean Castaneda. Oui. C'est-à-dire qu'on revient même plus à Dominique Dropsy. Voilà. Et ça donne un peu l'impression de plouf plouf. Et le problème, c'est que, ça, tous les gens qui jouent au foot le savent, un gardien, c'est celui qui tient la défense. Enfin, c'est important, Eh la oui. communication entre un gardien et une défense. Et là, on n'a pas fait de match d'essai, on lance Castaneda comme ça. Et ben, en plus, en Irlande, c'est suicidaire. C'est suicidaire. Mais bon, Jean Castaneda, avec tout le respect que j'ai pour lui, malheureusement, Jean Castaneda a fait beaucoup de matchs où il a fait pas mal d'erreurs. Hein. Je Ah me bah là, souviens, il en par a fait exemple, une, hein. en. Bah, moi, bon, c'est trop. Enfin, moi, ça, j'ai pas connu cette époque-là. Moi, j'ai plus l'image de Benfica Marseille, de Marseille-Benfica en 90, où c'est lui qui remplace. Ça devait être Olmeta au but. Et malheureusement, Marseille, voilà, ils vont gagner que d'un but d'écart, mais il va se prendre un but complètement bête. Et c'est un but à la Jean Castaneda, malheureusement. Voilà, donc Oui, défaite. non, mais Voilà, bon, enfin, c'est je malheureux, hein. pense que malheureusement, moi aussi j'ai un immense respect pour lui parce que voilà, par rapport à la santé et tout ça, mais je pense que malheureusement, Castaneda, bah, il a été caché par l'arbre de Saint-Étienne, qui était un grand club à l'époque, Voilà. qui avait une grosse défense, Batiston, Lopez, Gardon, enfin pour ceux qui connaissent, et ça cachait un peu la misère, si tu veux, mais Castaneda, maintenant, même si j'ai adoré ce joueur, eh ben, c'est vrai que c'était pas la sécurité sociale, quoi. C'est ça. Voilà. Et Et puis, le problème, c'est qu'en face, en Irlande, t'as des sacrés clients, t'as Stapleton, allez, qui marquera la 23e justement. qui est un buteur, voilà, dans le championnat anglais. Alors, je veux pas dire de boulette, je sais plus, parce qu'il a navigué dans pas mal de clubs. Mais à l'époque, je crois qu'il jouait à Arsenal, je veux pas dire de bêtises. Et puis bon, là, on prend le bouillon, carrément. Et puis, on n'y est pas. Moi, j'ai revu la vidéo de ce match il y a très peu de temps. Ouais. On se fait bouffer, on se fait bouffer sur tous les duels, surtout. Et les Français, là, ils sont trop naïfs. Et le problème, c'est qu'on a des joueurs, pareil, qui sont lancés comme ça. Didier Christophe, qui est pourtant un très très bon joueur de Division 1, qui joue à Ouais. Monaco. Là aussi, moi, j'ai adoré ce joueur, ce style. À Didier Christophe, oui. Mais là, malheureusement, ça le fait pas. Didier Christophe, dans ce match-là, il est pas dans... Parce que c'est trop violent de se lancer en Irlande comme ça. Ah ouais, c'est très clash. Voilà. D'ailleurs, tu me parles de Stapleton, donc saison 80-82, il avait signé à Manchester. Voilà. Il y Donc, ok. restera 6 ans là-bas. Ouais, c'était avant qu'il était à Arsenal. D'ailleurs, il a joué au Havre, hein, c'est ça, en 88, saison 88-89, il a joué au Havre. D'accord. Voilà. Je ne savais pas. Et on revient donc toujours à ce match face à l'Irlande. Ensuite, ce Donc sera là, Robinson qui marquera la 40e minute de jeu. juste avant la mi-temps, donc là on est aux fraises. 3-1. Ouais. Et faudra un petit sursaut d'orgueil trop tard, malheureusement. 83e Ouais, minute de voilà. jeu, Michel Platini qui reprend un ballon laissé dans la surface. Mais défaite, 3 buts à 2. Et là, la France, je vais parler avec un gros mot, mais dans la merde. Il y a peut-être pas Ah d'autres bah là, on est. mots, quoi. Ah bah là, c'est simple. Il nous reste deux matchs à faire. Voilà. D'accord? Et c'est simple, il faut gagner absolument les deux derniers matchs. C'est-à-dire que si on fait un nul, on est éliminé, c'est terminé. Et encore, il faut gagner. Voilà, il Faut faut. mettre Il y quand a des même des buts, différences. quoi. Oui, parce qu'il y a des différences de but à gérer. Voilà. Chypre, c'est faisable, ça c'est sûr. De toute façon, c'est pas contre Chypre qu'on peut Non, tromper, c'est mais il les va falloir Pays-Bas qu'on battre va les. recevoir. Voilà, faut battre les Pays-Bas. Et là, Voilà. c'est vrai que c'est. Bon, je peux pas dire que c'est mission impossible, parce que c'est vrai, comme tu disais, les Pays-Bas étaient au déclin, dans le déclin. Mais faut quand même pas prendre les Pays-Bas pour des touristes, hein. Non, non, Voilà. non. En plus que les Pays-Bas, eux aussi, ils jouent leur avenir. Exactement. Hein, parce que bah, les Pays-Bas, D'ailleurs, c'est qui avait simple. battu les Pays-Bas, ils avaient battu la Belgique 3 buts à 0, hein, chez eux. Hein. Oui. Donc les Pays-Bas, s'ils veulent espérer se qualifier, il faut qu'ils, bon, au minimum, qu'ils ramènent un match Un nul. match nul, ouais. Voilà. Donc c'est vraiment un match à fort enjeu. Exactement. Et là, la France n'a pas le choix, faut gagner. Il Donc faut voilà, il y a. gagner. On arrive à la 52e minute de jeu, et là, comme aurait dit Thierry Roland, oui, Michel. C'est de cet endroit-là qu'il avait Vazov. Ouais, contre la Bulgarie il y a 4 ans. Dinosov. Ah, Dinosov, non, je croyais que vous disiez le gardien de but bulgare. Mais c'était de cet endroit-là aussi. Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel. Oui, Michel. Oui, Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie. Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel. On le voit sous un autre angle. Je le sentais ce coup franc. Et Bernard Lacombe est en embuscade. Et là, donc, coup franc tirant deux fois, hein, de Michel Platini, mais qui trompe ben, le portier. De toute façon, c'est les coups francs, hein, que c'est marqué Michel Platini, de toute façon, hein, ces coups francs. Hein, voilà, Ouais. c'était vraiment sa spécialité. Un but à zéro à la 52e minute de jeu, donc là, la confiance commence à revenir. Ouais. Et 82e minute, bah, 82e minute, c'est Didier Six qui offre la victoire à la France et qui redonne une grosse bouffée d'oxygène à l'équipe de France. Qu'il joue au plus haut niveau. Là, on revient à un coup franc, car Van Cotten avait chargé Jean Castaneda alors que celui-ci avait le ballon dans les mains. Jean Gigny a poursuivi de la tête pour Rocheteau. Rocheteau. Six. But. Oh, quelle est oui. belle! Oh, Entre c'est Six superbe. et Rocheteau. Magnifique but réussi par Didier Six Ah, on sur va voir. cette remise de Rocheteau. C'est du grand art. Et là, je crois que maintenant, c'est fait. Ouais, nous y sommes. Nous sommes en Espagne avec ce ballon de Rocheteau qui va amortir de la poitrine. Intérieur du pied gauche. Il embarque Kroll. Il embarque Kroll avec l'intérieur du pied droit. Et il va faire une petite passe en retrait avec son pied gauche. Et Didier Six du bout de son pied droit. Regardez, le ballon va se ficher dans le petit filet. Ouais, Six, vraiment, c'est un joueur. Moi, j'aimais bien ce joueur. Qui jouait à Stuttgart à l'époque. Ouais, parce que Six, il avait. Ouais, je sais pas, il avait un toucher de balle qui était très élégant. Ouais. Comme je te disais, hein, si j'ai vraiment à cette époque j'étais né, si j'avais connu cette époque-là, pour moi Six aurait été un joueur que j'aurais adoré. C'est vraiment Ah le ouais. style d'attaquant que j'aime. Enfin bon, malheureusement, t'en vois plus des comme lui, mais Ouais. et qui a connu une carrière assez pas forcément mouvementée, mais ouais, qui a quand même connu la première ligue, alors qu'une saison, mais il a joué à Aston Villa. Je pense que c'est un des premiers Français à avoir voilà, joué là-bas. Il a il a pas joué beaucoup, hein. Premier Français à jouer en Allemagne, premier Français à jouer en Turquie, premier Français à jouer en Angleterre. Alors, premier Français à jouer en Allemagne, pas vraiment, parce que dans les années... Alors bon, enfin, c'est un peu c'est dans les années 20 et trucs comme ça, il y avait des joueurs qui jouaient en Allemagne. Bon, après, c'était sûrement du football non professionnel, c'était amateur. Donc, peut-être le premier professionnel à avoir joué en Allemagne, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'à Stuttgart, il était bon, hein, parce que d'ailleurs, il y retournait terminer sa carrière là-bas. Ouais. Voilà. Donc Didier Six, il marque ce deuxième but. Donc grosse bouffée d'air frais pour l'équipe de France qui peut qui peut jouer le match contre Chypre plus sereinement. Voilà. Bah là, oui, là c'est pratiquement dans la poche. On est pratiquement qualifié parce que il faut battre Chypre, voilà, et on sait que Chypre, c'est impossible de pas les battre, quoi. Bah. Si tu perds contre Chypre, là, c'est une erreur professionnelle, c'est une honte, honte éternelle, voilà. Donc, on va rencontrer Chypre le 5 décembre 1981, et donc, victoire des Français, 4-0, pas de Platini sur le terrain, donc, du coup, il y a un coup franc qui se joue à la 25e minute de jeu, et là, ils se demandent qui va tirer, alors... les commentateurs, c'est soit Gengini, ils pensent que c'est Gengini qui va tirer. En fait, c'est Dominique Rocheteau qui marque un superbe coup franc. On a envoyé un télégramme d'encouragement aux Cypriotes. Gengini, sans doute. Il s'est entraîné hier à huis clos ici, a tiré le coup franc. Rocheteau. Et lui ! But extraordinaire de Dominique Rocheteau. Il avait réussi le même, à peu près dans la même position, dans un match de championnat. Contre Lille, Dominique, c'est un grand ouf de soulagement. Et bien attendez, Gengini, c'est bien Dominique Rocheteau. Pourquoi pas? Ah ouais, une minace sous la transversale. Voilà. Et ensuite, c'est la combe qui marquera par deux fois. Voilà, juste qui marquera deux jolis buts. Hein. Et enfin, c'est Gengini qui fermera la marque à la 86e minute de jeu. Et là, ça y est, on peut le dire, la France... qui est qualifié, ça a été très très difficile. La France, alors qui termine deuxième, hein, première c'est la Belgique avec 11 points. Deuxième, la France avec 10 points. Troisième, l'Irlande avec 10 points aussi. Mais donc la France qui se qualifie avec une différence de but de plus 12. Ouais. Voilà, alors que l'Irlande a plus 6. Quatrième, les Pays-Bas et enfin avec 9 points. Et enfin dernière, Chypre, voilà, qui s'est pris 29 buts en 8 rencontres. C'est quand même beaucoup. Quand même marqué 4, mais qu'on a pris quand même 29. C'est là l'importance d'avoir cartonné Chypre 7-0 au premier match. Exactement. Puisqu'on a 6 buts d'avance au goal average sur l'Irlande. Voilà. Donc ça a toute son importance à la fin. Donc la France, qui est qualifiée pour la Coupe du Monde, alors je vais énumérer les autres qualifiés. Donc il y a la RFA, l'Autriche, hein, qui était dans le même... qui étaient dans le même groupe et qui vont se retrouver dans l'Allemagne de l'Ouest. Bah si, c'est la RFA, l'Allemagne de l'Ouest, hein. Oui, voilà, et qui vont se retrouver donc encore dans le même groupe pour la Coupe du Monde. Ensuite, t'as l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie qui vont être qualifiées, la Hongrie et l'Angleterre, la Yougoslavie et l'Italie, l'Écosse, l'Irlande du Nord et enfin la Pologne. Voilà, ça c'est pour l'Europe. Pour les autres pays, il y aura le Brésil, le Pérou, le Chili, il y aura l'Algérie, on en parlera un tout petit peu si tu veux de l'Algérie qui a quand même été bonne pour lors de ce premier tour. Il y aura le Cameroun, première participation pour le Cameroun. Il y aura aux zones Asie-Océanie, il y aura la Nouvelle-Zélande, l'Arabie Saoudite et le Koweït. Voilà. Donc... l'équipe de France qui va faire quelques matchs amicaux après donc cette qualification pour la Coupe du Monde. Et là vraiment des matchs, il y aura 4 matchs, il y aura 3 défaites et un match nul 0-0, un pauvre 0-0 contre la Bulgarie. Mais alors des défaites inquiétantes, alors entre guillemets, parce que le Pérou quand même à l'époque c'est quand même une belle nation, je pense. Ouais, enfin ils seront assez décevants à la Coupe du Monde, mais Ouais, c'est plus en pas sûr. 78 qu'ils auraient qui était un petit peu plus impressionnant, mais bon. Voilà, en 82 c'était un peu moins fort, mais bon. Voilà, défaite face au Pérou, hein, bon, c'est quand même assez impressionnant de perdre contre le Pérou. Ensuite, donc la Bulgarie aura 0 à 0. La France qui va jouer face au Pays de Galles de Rush au stade municipal de Toulouse, ils vont perdre 1 but à 0, justement but de Yann Rush. Voilà, enfin, c'est un peu. Ouais, c'est pas très bon. C'est pas Ouais. très encourageant pour la suite. C'est clair, c'est clair. Voilà, donc on arrive à cette Coupe du Monde où la France va être dans le groupe. Alors si c'est dans le groupe donc D, ouais, D, dans groupe le D. groupe D, voilà, avec l'Angleterre, la Tchécoslovaquie et le Koweït. Alors déjà, voilà, hein, c'est pas un groupe facile, à part le Koweït, l'Angleterre et la Ouais. Tchécoslovaquie, c'est quand même ça va être quand même difficile. C'est ça. Donc on va parler d'effectifs de cette équipe de France. Alors avant de parler des gardiens de but, on va parler donc des défenseurs. Il y aura Manu Amoros, il y aura Patrick Battiston, Maxime Bossis, Gérard Janvion, Christian Lopez, pardon, Philippe Mahut et Marius Trésor. Bon, voilà, hein, c'est quand même une bonne ossature défensive. Oui, c'est ce qui se fait de mieux dans le championnat. Voilà. Ensuite, milieu de terrain, Bernard Gengini, Michel Platini, René Girard, Alain Giresse, Jean-François Larios et Jean Tigana. Voilà, c'est le carré magique, là. C'est... Voilà, là c'est voilà, c'est un mix Bordeaux-Saint-Étienne, Voilà. c'est ce qu'on fait de mieux aussi, et je pense que niveau européen, il y a quand même c'est quand même une bonne ossature du milieu de terrain, quoi. Ouais, ça fait. Et en attaque, pardon, nous avons Bruno Bellone, Alain Courriol, Bernard Lacombe, Dominique Rocheteau, Didier Six et Gérard Soler. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas mal l'attaque aussi. Ben, le grand absent, oui. Bon, le grand absent, c'est Jacques Zimaco qui est Eh pas oui. sélectionné. Alors pourquoi? C'est qu'il était blessé? Non, tu sais pas. Non, moi je pense que malheureusement, ça a été une erreur, hein. Ouais. Il y a des Monégasques qui ont été champions de France. Voilà. Et je pense que Hidalgo a cru bon de, parce qu'ils étaient champions de France, que c'était des internationaux. Et donc Ouais. c'est là qu'Ettori est arrivé, c'est ça qui est assez Voilà. incroyable. Donc on va parler des gardiens. Donc les gardiens, il y avait Dominique Baratelli, Jean Castaneda. Et normalement, en 3, Jean-Luc Ettori, c'est Alors ça. déjà, voilà, alors déjà, il faut situer dans le contexte. Et si on compare avec aujourd'hui, c'est ça n'aurait pas de sens. Ce qu'a fait Hidalgo, en fait, il a essayé plusieurs gardiens, on l'a vu pendant les éliminatoires. Oui. Il y a eu Dropsy qui est plus là, il n'est pas sélectionné. Il a fait 2-3 matchs. Il y a eu Pierrick hier, il n'en a fait qu'un. Hop, terminé. Castaneda, on a fait deux. D'accord? Voilà. Et déjà là où c'est pas cohérent, c'est que t'as même pas Dropsy en troisième gardien, Ah oui. d'accord? T'as Baratelli qui arrive de nulle part, parce que Baratelli, alors je dis pas que c'est un bon gardien, Baratelli, mais depuis 78, on ne l'a pas revu, notre ami C'est vrai. Baratelli. Il revient comme ça. Ok, bon. Et t'as Ettori qui, lui, il arrive de nulle part, il n'a jamais joué en équipe de France. D'accord? Il n'a pas participé à aucune phase qualificative. Oui. Il est numéro 1. Alors voilà, D'ailleurs, c'est ce que ça. tu disais, juste parce qu'il a été champion avec Monaco, il a cru bon de mettre Et oui, Ettori. mais. Et oui, mais alors là, c'est pareil. Il faut juste regarder des vidéos sur YouTube de Monaco à cette époque-là. Ouais. Il y a des Monaco, moi j'ai des vidéos sur YouTube. Monaco 81-82, mais Ettori se prend des buts, mais c'est catastrophique. Et c'est pas parce que Monaco est champion que Ettori était un bon gardien, il faut pas tout mélanger. Bah ça fait Et un là, peu comme Jean Hidalgo. Castaneda avec Saint-Étienne, quoi, en fait. C'est dans le même, vu que Monaco était bon Oui, défensive, mais. voilà. Oui, mais sauf que Castaneda, il avait quand même fait des matchs de qualification. Oui, voilà, c'est sûr, oui, mais ça c'est sûr. Donc s'il se retrouve là, bon, dans un sens, c'est pas illogique. Mais le problème, c'est que, pareil, Bruno Bellone, il a travaillé, d'ailleurs, je me demande s'il a joué la Coupe du Monde. Il a joué un C'est un peu. match. Ouais, le dernier. Sûrement le match de. Ouais, le Voilà. troisième, ouais. Bon, Enfin, c'était de la trop tôt. troisième place, oui. C'était trop tôt pour Bruno Bellone. C'est trop tôt. Donc déjà, et pareil, et Alain Courriol, c'est pareil. C'était beaucoup trop tôt. Donc Hidalgo, il est responsable de ça. Il a pris trois Monégasques juste parce qu'ils sont champions de France. Et ce qui n'est pas cohérent, c'est que pourquoi à ce moment-là, il garde pas Didier Christophe, qui a joué contre l'Irlande, et qui n'est pas là, lui aussi champion de France. Ah Donc oui. Hidalgo a fait, honnêtement, ça m'embête de dire ça, parce que j'aime beaucoup cet entraîneur-là. Mais il a fait n'importe quoi au niveau de sa composition du groupe. Il s'est laissé influencé par les statistiques, par les résultats. Eh oui. Et ce qui fait que ça s'est très mal passé parce que il y a eu beaucoup de remous dans le vestiaire, hein, parce que, alors je sais pas qui, mais il y a certains joueurs qui ont jamais compris que Tori soit là, quoi. Déjà, avant que ça commence. Je pense que Platini, qui était le leader, devait être très surpris de ça. Eh oui. Ensuite, Baratelli l'a très mal pris, lui. Parce que Baratelli, quand ils l'ont rappelé, vu qu'il avait fait 78, dans sa tête, il était persuadé qu'il serait le numéro 1, parce qu'il avait plus d'expérience que les deux Bien autres. sûr. Donc il y a eu, il faut le savoir, en 82, il y a eu une grosse ambiance de merde dans cette équipe de France. Ça peut paraître bizarre quand tu revois les matchs de la RFA où tu avais vraiment une équipe qui s'est transcendée. Mais en interne, il y avait vraiment une sale ambiance. Pareil, Philippe Mahut, qui jouait Oui, au FC Metz, je m'en souviens, d'accord? oui. Voilà. Et qui, à ce moment-là, signe à Saint-Étienne. C'est un grand espoir, d'accord? Lui, c'est pareil, il était persuadé qu'il allait être titulaire. Et il a fait une déclaration à un journaliste, il a dit, mais moi, si on m'avait dit que je venais en Espagne pour être en vacances, fallait me le dire, Ah j'aurais amené mon maillot de bain, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de déceptions et je pense qu'il a le go, il a fait des choix bizarres et il n'a pas très bien communiqué. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont très très mal vécu le fait qu'il ne joue pas. Et il y en a un qui l'a très mal vécu, bon, qui a rien dit, mais ça l'a plombé. D'ailleurs, je crois que ça a plombé le reste de sa carrière. ouais. Jean-François Larios, Ah bah oui. où là c'est clairement Platini, hein, Bah qui a c'est une dit histoire de mœurs quoi. voilà, bon. Bah oui, mais bon, il tapait la femme de Platini, c'est pas, voilà. C'est pas rien non plus. Fallait pas s'attendre à. Et donc, Ouais. Platini a dit à Hidalgo, je te préviens, Larios, il joue pas. Il ne joue pas. Bah, il aura juste joué, je pense. Contre la Pologne. Non, mais il a joué le premier match hein, contre l'Angleterre. Oui, voilà, le premier, Voilà. et après, on l'a plus revu jusqu'à la Voilà. Pologne. Et d'ailleurs, il l'a dit, Larios, il dit, moi, je m'en foutais de jouer contre la Pologne, j'avais plus envie de jouer. Ouais. Moi, je voulais jouer le reste de l'aventure. Tout ce qui s'est passé avant, pas ce match-là. Donc voilà, il y avait quand même. Hidalgo est vraiment responsable de ça parce que moi j'ai mis des années à comprendre ça, c'est normal, parce que j'avais 10 ans à l'époque. Et j'ai mis des années à comprendre que cette équipe de France-là, mais avec un vrai gardien, un autre gardien, et surtout avec deux joueurs à la place de deux autres qui ont été pris, on Ouais. aurait pas peut-être gagné la Coupe du Monde, mais au moins on aurait été en En finale. finale, ouais, sûrement, ouais. Et Hidalgo a une grosse part de responsabilité. Honnêtement, avec le recul, c'est voilà, on dit tout le monde dit que Luis Fernandez au PSG, il restera l'entraîneur qui a mis Ronaldinho sur le banc de touche. Et ben Hidalgo, il porte ce fardeau-là en 82, mais Ah ça a oui. été tellement masqué par cette belle équipe de France malgré tout, donc a démarré très poussivement, mais qui a été très très belle sur la fin. Mais non, il y a une grosse grosse erreur de casting dans cette équipe. Et ça, on l'a, par contre, voilà, on l'a traîné, ça, on se l'est traîné, quoi. Et donc on arrive à ce fameux 16 juin 1982 avec bah, le premier match de l'équipe de France face à l'Angleterre et la défaite 3 buts à 1. Et là on démarre très mal cette Coupe du Monde. Oui, ben, coup d'envoi, dès la première Voilà. minute, ben, il y a une touche, hein, il y a une touche sur la droite. Et longue, longue touche, hein, à l'anglaise, hein. Et puis ben et Tori, bon la défense aussi est coupable hein, parce Ouais. que Pas prête. voilà alors je sais pas si à l'époque les cassettes vidéo ils savaient pas s'en servir les Français mais c'était quand même pas compliqué de voir que les Anglais faisaient des longues touches comme ça et puis voilà une super longue touche et puis je crois qu'il y a une première déviation et puis sur la deuxième bah, et Tori il sort très très loin de son but. Sauf qu'Ettori, bah, il fait 15 cm de moins que Robson, quoi. Voilà. Et puis, ce qui est assez inquiétant, c'est que, bah, encore une fois, il n'y a pas de communication. C'est qu'Ettori, il sort vraiment aux fraises et il n'y a personne sur la ligne. Enfin, je sais pas. Et tout le monde se regarde. Et voilà, la première minute, bah, il y a déjà 1-0. Moi, je me rappelle de ce match parce que je l'ai vu. Ouais. Je m'en rappelle. Un après-midi, un mercredi Ah après-midi, c'était pas ça, un truc comme oui. ça, ouais. Ouais, c'était vers 17 h. Parce que moi je me rappelle mon père rentrait du boulot et on s'était mis devant la télé et voilà dès la première minute voilà et bon en plus Saint-Étienne en Coupe d'Europe avait pris une branlée l'année d'avant contre Ipswich Ah hein, oui. où il y avait Paul Mariner déjà qui marquera le deuxième but et qui était dans l'équipe, dans le troisième but pardon, qui était joué à Ipswich. Donc je pensais que les, parce qu'il y a quand même beaucoup de Stéphanois dans l'équipe de France, ils auraient quand même tiré les leçons de ça. Ouais. Mais là, non, c'est n'importe quoi. Puis bon, bah bon, voilà, on va refaire le truc, mais le choix de Jean-Luc Etori pour moi. Alors, la France qui va quand même revenir dans le match, et 24e minute, c'est Gérard Soler qui va égaliser. Et l'équipe de France n'arrive pas toujours à ce problème, c'est cette défense de zone proposée par les Anglais. C'est vrai que dans notre championnat, nous n'avons pas l'habitude d'évoluer devant de telles défenses. Nous pratiquons plutôt en France le marquage individuel, mais le propre d'un grand joueur, c'est de savoir s'adapter. Attention Jean-Michel aux accélérations, là ça s'est mal terminé pour lui, mais aux accélérations de Robson. Balle en avant pour Gérard Soler. Et oui, égalisation. Bien joué Gérard Soler. 25e minute. Très joli coup de pied de Gérard Soler qui égalise. Après 25 minutes de jeu. Parti à la limite du hors-jeu. Et c'est le jeu là aussi, un tir croisé du pied gauche de Gérard Soler. Voilà, donc là c'est pareil, on se dit ça y est, on est revenu dans le match, et on va le tenir ce match-là. On sait qu'on peut pas gagner ce match-là, on le sait, parce qu'on voit bien que les Anglais ils sont très forts. Ouais, ils ont un cran au-dessus, quoi. Et que nous on est fébrile, on n'est pas bien, on a un complexe par rapport à ça. Et on se dit, bon allez, de toute façon, l'Angleterre c'est le favori du groupe, donc si on fait match à nous, c'est très bien. Et bon, jusqu'à la mi-temps, on est un partout, donc c'est pas mal. Mais après, problème, la deuxième période, et ben, on va prendre l'eau et Robson va ajouter un nouveau but, donc 2-1 à la 67e minute. Et enfin, Mariner à la 83e minute, et ben, plombera le match avec un troisième but. Et défaite de la France dans ce groupe, et ça sent déjà un petit peu le roussi pour l'équipe de France. Ah bah là, de toute façon, après ce match-là, il y a une grosse explication de texte. Hein. Je crois que Platini a été voir Hidalgo, il lui a dit, voilà, si on continue comme ça, on va rentrer à la maison. Voilà, en plus, Platini, il a quand même de gros espoirs sur cette Coupe du Monde. Il faut savoir qu'en 78, déjà, l'équipe de France avait une belle équipe, mais avait pas eu de chance parce qu'ils avaient un groupe de la mort, hein, on en avait déjà parlé. Donc là, c'est quand même un groupe qui est moins le groupe de la mort, et ça commence très mal. Et c'est vrai que Platini reprochera aussi à beaucoup de joueurs d'équipe de France de pas avoir envie, quoi, de pas être à la hauteur, à la hauteur de l'événement, parce que je veux dire, tu dois te transcender. Et voilà, donc ça se passe pas bien après ce match-là. Et puis il y a déjà des choix d'Hidalgo qui sont déjà très vraiment remis en question. Quoi. Ouais. Donc l'ambiance est un petit peu plombée. La France rencontre le Koweït. Alors une nation qu'on connaît pas trop, le Koweït, mais bon, on sait que c'est pas non plus que c'est pas une bête de guerre le Koweït. Alors victoire 4-1. Alors dans ce match-là, on retiendra même pas le match en lui-même, on va retenir le gros fait de match, le scandale. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Il y a une action de jeu et puis c'est Gires qui marque un but. Et juste avant qu'il marque un but, il y a un bruit ambiant, comme un coup de sifflet. Ouais. Les joueurs, koweïtiens s'arrêtent de jouer, donc Gires marque son but. Ils vont conserver le ballon et vont donner l'ouverture quand elle va se présenter. La voici avec la courbe, il n'y a pas en jeu. Et but de Gires, but de Bernard Gires. Oh, on ne s'y attendait pas, tout le monde est resté au ralenti. Voilà Alain Gires qui a marqué le quatrième but français. Et il y a une protestation de la part des Koweïtiens là qui. Je ne vois pas qui va le réclamer. Ils réclament peut-être hors-jeu. Ah, et les Koweïtiens, semble-t-il, prétexte qu'il y a eu un coup de sifflet dans les tribunes, c'est ce que nous dit Patrick Battiston. Ça c'est vrai. Et le frère de Lédir, qui est le président de l'équipe. Lédir qui demande que son équipe quitte le terrain. Quitte le terrain, dit le Cheikh Fad Al Ahmad Al Yaber Al Sabah. Frère de l'émir, président du Koweït Football Association. L'arbitre qui se dirige maintenant vers ce juge de touche pour savoir s'il a signalé en jeu. Et là, je peux vous dire, parce que je regardais, qui n'a absolument pas signalé en jeu. Et d'ailleurs, Alain Giresse, ce n'était pas en jeu. Ce serait le premier incident grave, sérieux, dans cette Coupe du Monde. Et le chèque qui est suivi par les caméras s'en va. Et il n'est pas content. Incident diplomatique. Toute proportion gardée. Incident diplomatique au niveau du monde du football. Le chèque qui descend sur le terrain et qui va demander à ses joueurs. Ah, c'est tout à fait insolite comme démarche. C'est absolument anormal aussi parce que en dehors de l'entraîneur et des gens qui sont sur le banc de touche, personne n'a le droit d'entrer sur le terrain. Je crois que c'est la première fois que nous le voyons. Que l'on soit sec ou pas. Et notamment lors d'une Coupe du Monde. Voilà, il repart. Et il applaudit de façon ironique. Oh là, bagarre. Bagarre sur le terrain. On a failli avoir une bagarre sur le terrain. À mon avis, la fin du match va être extrêmement difficile. Et l'arbitre qui revient sur sa décision, ce qui est absolument anormal. C'est un scandale. C'est un scandale parce que s'il suffit qu'un président de fédération descende sur la pelouse pour faire changer d'avis à l'arbitre, ouais, alors ouais. Maintenant c'est les Français qui vont se plaindre. Hidalgo qui est rentré sur le terrain va provoquer un incident. La caméra ne le suit pas. Hidalgo est repoussé par les forces de police. Voici les images. Je comprends ta colère. Cette fin de match est scandaleuse. Le tchèque koweïtien là qui va se lever de la tribune, il va descendre et il va aller voir l'arbitre. Donc l'arbitre, monsieur Stroupar, à l'époque, un soviétique, si je dis pas de bêtises, qui va demander d'annuler ce but-là parce qu'il prétexte qu'il y a eu un coup de sifflet dans l'arbitre. Et là, ben, il y a une grosse incompréhension. Et l'arbitre qui va annuler le but sous un... C'est énorme. Mais c'est énorme. Voilà, t'as des incidents. T'as Hidalgo qui essaye de rentrer sur le terrain pour parler à l'arbitre, mais il se fait refouler par la police espagnole. Là tu vois mais en image tu vois Hidalgo mais qui est fou de rage. Les joueurs de l'équipe de France ne comprennent rien et le but est annulé. Et là c'est un gros scandale. D'ailleurs, parce que tu te dis que fait la FIFA quoi. Bah voilà. À quoi sert la FIFA? À rien. Bah rien du tout parce qu'ils sont pliés aux exigences du Tchèque. Alors d'ailleurs Stroupar, l'arbitre de l'URSS sera radié quelques jours plus tard à vie de il sera plus du tout arbitre, il sera viré par la FIFA. Bon, il y aura pas vraiment de conséquences parce que l'équipe de France va quand même gagner 4-1. Mais bon, ça voulait dire que voilà, la FIFA, ben, dès qu'il y a quelqu'un d'assez important qui prend une décision, ben, ils vont se laisser faire, ils vont se mettre à genoux et voilà, et c'est un gros gros scandale. Alors, c'est incroyable. Voilà. Donc le Tchèque d'époque, il s'excusera beaucoup plus tard, il invitera Michel Platini justement après sa carrière à jouer un match avec l'équipe du Koweït. Et donc bah, Michel Platini aura je me rappelle plus combien de sélections avec l'équipe de France, hein, 72 sélections avec l'équipe de France, mais il aura une sélection avec le Koweït. Voilà, il aura joué un match de Coupe d'Asie, je crois en 86 ou 88, je me rappelle plus. Voilà. Et malheureusement ce tchèque là qui décédera en 91, hein, c'est ça, lors de la guerre du Golfe. Ouais. Voilà, donc là le gros incident bah, qui un petit peu fait oublier un petit peu ce match-là, mais bon voilà, la France qui tourne bien, donc victoire 4-1 avec des buts de Gengini, Platini, Didier Six et Maxime Bossis. Ouais, Bossis d'ailleurs qui a un style bien particulier, hein, parce que c'est vraiment, ça n'existe plus d'ailleurs des joueurs comme ça. Non, c'est sûr. Bossis il partait de sa surface de réparation à grandes enjambées avec le ballon, et il jouait en 1-2 avec des milieux de terrain, et il se retrouvait souvent dans les 18 mètres. Enfin, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ce sera son premier but, hein, en équipe de France. Ouais. Et quand on revoit les vidéos, que ce soit avec Nantes ou avec les clubs où il a joué, il a toujours fait ça, Maxime Bossis. Ouais. C'est incroyable. Et aujourd'hui, des défenseurs comme ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, ça c'est sûr. Et la France qui prendra quand même un but, hein. Ouais, la 75e. Ouais, non, mais il faut le savoir, ils n'ont pas été exceptionnels, les Français, mais bon... Il faut savoir que le Koweït avait accroché la Tchécoslovaquie quand même. C'est vrai. Voilà. Donc bon. Bon, alors la France qui se remet un petit peu dans le rail de la qualification pour le second tour. Ouais. Mais par contre, eh ben, il va falloir rencontrer après la Tchécoslovaquie, hein, quand même une nation très forte au niveau football, même en sport, hein, en général. La Tchécoslovaquie. Oui, alors là c'est pareil, c'est une équipe qui est un peu, enfin pas sur le déclin, mais c'est une équipe qui a beaucoup déçu. Oui. Hein, d'ailleurs, il y aura des représailles de la fédération tchécoslovaque suite à cette Coupe du Monde-là, parce qu'il faut savoir qu'il y a des joueurs qui devaient venir jouer en France ou dans d'autres championnats, Ils seront et la privés. fédération a bloqué les, a interdit les transferts. C'est-à-dire que je donne un exemple, bon, ça parlera pas à grand monde, mais il y a un joueur qui s'appelait Przemysław Bykowski, qui était très expérimenté, qui était même capitaine sur certains matchs, qui jouait au Bohemians de Prague. Il devait signer à Strasbourg pour la saison 82-83. Et du Et coup, il il a a pas été pu venir. interdit de quitter la Tchécoslovaquie c'est une punition par rapport à l'élimination au premier tour. Voilà, bon, c'était encore un régime Oui, communiste. voilà. Voilà, il y avait encore des trucs. Donc la Voilà. France qui ne fera pas mieux qu'un 1 partout avec un but de Didier Six à la 66e minute. Et Oui, celui... et il faut le savoir, dans ce match-là, on a failli se faire éliminer. Parce que Panenka, le célèbre Panenka, Oui. qui marque un penalty normal, hein. Bon, sans élan, mais il a Voilà. tiré normalement. Bon, là encore, face à Itori, c'est pas très compliqué de tirer un penalty. D'ailleurs, Itori était le seul gardien au monde qui ne plonge jamais. J'ai Voilà. jamais vu. Que Il voilà. était resté scotché sur le... Mais tout le cloué temps, sur le regarde milieu du but. tous les buts, voilà. Donc à la 84e minute, et à la dernière minute, il faut le savoir, hein, il y a un ballon qui navigue dans les airs, il y a une tête qui est sauvée sur la ligne par Manuel Amoros. Très bon joueur, Manuel Amoros. Voilà, et si le ballon rentre, la France Et est Pierre est éliminée, c'est la éliminé. Tchécoslovaquie qui passe. Hein. Voilà. Donc Donc, là, bah la c'est France, voilà, pas la très rapide. France qui se qualifie in extremis Ouais, vraiment. en étant deuxième du groupe. Alors première, c'est l'Angleterre hein, qui a gagné ses trois matchs. Bon voilà. Bonjour, merci, au revoir. Hein, voilà. Et donc la France deuxième avec 3 points, hein, une victoire, un nul, une défaite. Voilà. Et donc on arrive à ce second tour. Alors là, si tu veux nous en reparler, c'était déjà un petit schmilblick pour 78. Mais là, pour 82, je crois que c'est Oh, le... alors c'est moins pire que 78, puisque Ouais. 78, le deuxième tour t'amenait en finale. Hein. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, bon, qui était n'importe quoi. Là, le deuxième tour t'amène en demi-finale. C'est-à-dire que bon, ce sera la dernière fois que ce sera fait C'est hein, un comme genre de ça. quart de finale, quoi, en fait. C'est quatre groupes de trois équipes. Ouais. Et le premier de chaque groupe est en demi-finale. Voilà, et en demi-finale. Voilà. Et donc la Bon, c'est France quand qui même veut... un peu merdique. C'est Ouais. merdique. Parce que y a trois équipes, il y a deux matchs à faire. Donc si tu sais que tu gagnes pas le premier, tu peux pas passer. Voilà. Voilà, Donc exactement. ça tue l'esprit du foot. Bon, c'est la dernière fois qu'ils feront ça. Hein, Voilà, c'est sûr. voilà. Et Donc heureusement. la France se retrouve dans un groupe. Alors aujourd'hui, ça peut faire rire encore une fois. Ah oui. Bon, à l'époque, ça s'était bien passé, mais c'était pas évident parce qu'il y avait l'Autriche qui était dans le groupe de l'Allemagne. Parlons un petit peu de ce groupe avec la RFA. Donc Alors oui, l'Autriche, il y a eu. il y a bah, Voilà. l'Autriche qui hérite de la RFA, de l'Algérie et Chili. de... Pardon? Chili. Chili, voilà. Donc Voilà. l'Algérie qui fera un premier tour en battant contre toute attente, hein, c'était Ouais. un exploit à l'époque, qui va battre la RFA. Ouais. Voilà, c'est vraiment une grosse surprise, hein, la RFA cueillie à froid dès le premier match. Mais je te laisse expliquer ce deuxième gros scandale qu'il y a eu Bah, lors de disons cette Coupe du Monde. que, alors, l'Algérie ensuite perd contre l'Autriche, d'accord? Enfin bon, bref, et si tu veux, avant le dernier match du groupe, l'Algérie joue contre le Chili, et l'Algérie doit absolument gagner, hein, contre le Chili, mais il faut pas qu'il y ait match nul, ah non, attends, il faut pas que l'Allemagne batte l'Autriche, voilà. Voilà. Puisque l'Autriche, quoi qu'il arrive, est qualifiée, d'accord? L'Autriche est première du groupe avant le dernier match. L'Autriche, même en perdant 1-0, est qualifiée. Et donc forcément, si l'Allemagne gagne 1-0, l'Allemagne est qualifiée. Voilà. Voilà. Donc bah voilà, c'est un match arrangé, hein, clairement. Parce qu'on le voit bien. En plus, ça se jouait pas en même temps. Oui, oui, oui, bah ça, oui. Et comme par hasard, alors que l'Autriche avait de quoi rivaliser avec l'Allemagne, hein, c'est ça le pire. Il y avait des bons joueurs, hein, en Autriche, il y avait Pezzé, il y avait Consiglia, le gardien autrichien. Ouais. Il y avait Walter Schachner, moi j'aime beaucoup ce joueur, qui d'ailleurs joue en 85-86 dans la prochaine vidéo qu'on va faire sur le calcio, joue au Torino. Ouais. Voilà. Un très bon joueur. Il y a vraiment des super joueurs dans cette équipe. Et donc, l'Allemagne va ouvrir le score. Mmh. Voilà. Et comme par hasard, une fois que le but a été marqué, ça ne va plus jouer. C'est-à-dire, on peut regarder la vidéo, vous la trouvez sur YouTube. Ça va faire des passes, des trucs comme ça. Ouais. Ah bah c'est des passes. Et puis dès qu'on est aux 18 mètres, comme par hasard, on revient en arrière, on fait une passe en profondeur. Et voilà, et ça va finir 1-0 et l'Algérie est éliminée. Voilà, donc, on appellera ça le match de la honte. Avec voilà, exactement. Voilà. Bref, on va revenir à ce groupe de la France, donc avec l'Autriche et l'Irlande du Nord. Donc le premier match Autriche-France, ça se joue à Vicente Calderón à Madrid. Oui. Voilà. Alors stade qui est pas du tout complet, hein. 37 000 spectateurs, mais c'est quand même vide dans ce stade, hein. Oui. Ouais, après, alors bon, est-ce que c'est l'horaire qui veut ça? Ça se joue un après-midi. Hein. 17h15, voilà. Ouais, je sais pas. Bon, après, oui, les stades étaient assez clairsemés pour ce deuxième tour, mais peut-être que c'était pas très intéressant. Enfin, je sais pas. La formule. Ouais, formule, voilà, ça plaît peut-être pas, c'est sûr. Et la France qui va obtenir un coup franc en 39e minute de jeu. Gengini, ouais. Voilà, Gengini, parce que Platini ne joue pas, hein, c'est ça. Intermayer à 25 mètres, c'est un bon coup franc pour Zingini, à peu près dans la même position que contre le Koweït, un peu plus loin quand même. 3-4 mètres plus loin contre le Koweït, si ce n'est 5 mètres. Zingini qui avait logé le ballon dans la lucarne et qui avait marqué le premier but français de cette Coupe du Monde. Il a à ses côtés Alain Giresse. Nous sommes à la 39e minute de jeu. Coup franc bien placé en bonne position pour les Français. Que va tirer Bernard Zingini, ex-socialien et futur Stéphanois. Bien tiré de la part de Zingini. Bernard Zingini à la 60e minute, il a redoublé. Rebelote, c'était Bernard Zingini. Ah, c'est un but qui va peser très lourd. On voit Bernard Zingini s'élancer, frapper ce bas de l'intérieur du pré et mettre un peu de l'écart comme l'autre jour. Et Consiglia qui vient s'écraser sur le poteau. D'autant, Platini est un bon tireur de coup franc, Gengini était un bon tireur de coup franc aussi. Hein. Ah bah Gengini, c'est un super tireur de coup franc. Bah, il en faisait partie de Sochaux lui aussi. Je suis pas sûr qu'on en ait parlé tout à l'heure de lui. Bah, d'ailleurs, il joue à Sochaux, excuse-moi, à cette époque-là. Oui, enfin là, il a signé à Saint-Etienne. Voilà, c'est ça. Il vient de signer à Saint-Etienne, le pauvre, il sait pas ce qu'il... Oui, malheureusement, il sait pas ce qui va lui arriver, oui, c'est sûr. D'ailleurs, je me demande, ça c'est toujours un mystère, j'aurais jamais réussi à percer. Je me demande, vu que la caisse noire avait déjà éclaté à Saint-Etienne, hein, ouais. elle a éclaté juste après la finale de la Coupe de France. Face à Bastia. PSG, excuse-moi. Et je me demande comment ils ont pu convaincre Bernard Gengini de venir à Saint-Etienne, sachant que Roger Rocher n'était plus le président, il avait été renversé par le conseil d'administration. Et que c'était un bordel pas possible à Saint-Etienne. Je n'arrive pas à comprendre comment un joueur de ce talent-là, ils ont réussi à le convaincre. Enfin, bon, à moins qu'il lui ait pas tout dit, je sais pas. Enfin, bon. Peut-être. Donc, voilà. Super coup franc de Gengini, tiré à ras du poteau. D'ailleurs, le gardien Consiglia se fracassera, il se tapera la tête contre le poteau en voulant plonger. Parce que le ballon est tellement magnifiquement travaillé qu'il est... On peut pas le choper. Et le gardien tape la tête contre le poteau, ça m'est resté gravé. Et super coup franc de Gengini. Ça manque des tireurs de coup franc comme ça. Il y en a plus beaucoup, hein. Bah non. Il y a des bons, il y a Cristiano Ronaldo encore qui arrive à tirer, je parle actuellement. Dans chaque équipe, t'avais toujours un bon tireur de coup franc. C'est ça. Et là maintenant, c'est en voie de disparition. Hein. C'est quand même bizarre, c'est quand même dommage, quoi. Hein, parce que d'ailleurs, un beau coup franc, c'est aussi beau qu'un but, un but normal. D'ailleurs, quoi, hein. C'est petit aparté, quand on crée des équipes sur PES, par exemple, Quand je fais des équipes classiques, je sais très bien qui je dois mettre pour tirer les coups francs. Bien sûr. Quand je fais des équipes d'aujourd'hui, Ouais. bon, à part le PSG, je sais plus qui je dois mettre. Je me dis, attends, qui c'est qui s'est tiré un Et coup franc? voilà, bah c'est C'est ça, assez bizarre. exactement, exactement. Donc la France bat l'Autriche, donc clairement, Ça commence c'est bien. mort pour l'Autriche. Voilà. C'est mort pour l'Autriche parce que t'as Ouais. que deux matchs à jouer, t'en perds un, c'est fini, quoi. C'est sûr. Donc la France peut espérer continuer. Et donc le 4 juillet 82, Voilà, face à l'Irlande du Nord. l'Irlande du Nord qui se présente. Alors l'Irlande du Nord qui avait fait un bon premier tour, qui était dans le groupe de la Yougoslavie, du Honduras et de l'Espagne. Oui. Et qui avait fait d'ailleurs qui avait éliminé la Yougoslavie, hein, parce C'est que vrai. ils avaient fini même premier de leur groupe, je crois. Et devant l'Espagne. Ils avaient battu l'Espagne dans le dernier match de poule. Donc non, équipe vraiment qu'il fallait se méfier. Mais je pense que voilà, ils avaient peut-être tout donné dans ce premier tour-là. Et face à la France, ils n'ont pas pesé bien lourd. Il y a 4 buts à 1. 4 buts à 1, ouais. Et bon, ça a été assez long à se dessiner, hein. La France mène 1-0 à la mi-temps. C'est Giresse qui marque à C'est le la 33e 3e. minute. Bon, après, Rocheteau marque tout de suite en revenant de la 46e minute. Et 68e, voilà. Donc après, il n'y a plus de match. Et bon, il y a réduction du score par Armstrong à la 75e. Et Giresse qui fait un doublé à la 80e. Mais il n'y a Ouais. pas eu, contrairement à l'Autriche, là, il n'y a pas eu d'opposition. Donc la France finit premier de son groupe. Et donc qualifié Et pour la demi-finale demi-finale, voilà. de la Et Coupe bon, du pour la Monde. histoire, voilà, l'Autriche et l'Irlande ont fait match nul. Hein, ils n'ont pas pu départager, donc aucun regret. Et la France retrouve l'Allemagne. Donc elle, l'Allemagne était dans le groupe de l'Angleterre. Si je me dis, je Non, bah me non, trompe. on a parlé tout à l'heure l'Allemagne contre l'Autriche. Non, mais dans le groupe Ah du pardon, deuxième tour. excuse-moi, excuse-moi, pardon. Oui, bien sûr. Il y avait l'Angleterre de mémoire. Et l'Espagne. L'Espagne. Voilà. Donc là aussi, c'était un groupe assez relevé. Bah disons que oui, en plus, donc l'Allemagne de l'Ouest qui fera 0-0 face à l'Angleterre, Ouais, c'est qui le match. battra, voilà, qui battra l'Espagne juste après, hein, 2 buts à 1, et voilà, c'est. Il y aura juste une victoire, quoi, face à l'Espagne. Ouais, tout à fait. Et donc, Mais oui, vas-y. bah, l'Espagne, c'était pas assez décevant, hein, à cette époque-là. Ouais. Ils seront bien C'est plus chez forts eux en en plus. 84. Oui, C'est ils chez seront eux. bien plus forts en 84. Mais là, en 82, c'était encore une équipe un peu. Bon, c'était pas vraiment du très haut niveau. Et puis par contre, l'Angleterre s'est complètement éteinte dans ce groupe du deuxième tour, alors que la France, elle est montée en puissance. C'est ça, c'est ça. Alors, on va pas se mentir, hein, si la France avait été dans le groupe de l'Allemagne et de Ouf. l'Espagne, elle serait peut-être pas Ça aurait passée. été Après, compliqué. bon, voilà. Mais bon, ce système de poule, c'était pourri. C'est la dernière Coupe du Monde où ils vont Voilà. l'appliquer. À partir de 86, ce sera les éliminations directes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça doit se passer. Bien sûr, bien sûr. Hein, Les autres c'est demi-finalistes, il y aura la Pologne qui a réussi à ouais. sortir d'un groupe de avec RSS. l'URSS et la Belgique. Ouais, là aussi, groupe très relevé. Hein. En battant quand même la Belgique 3 buts à 0 avec un triplé de Zbigniew Boniek, hein, ça doit se dire comme Ouais. ça, voilà. Ouais. Et enfin donc l'autre demi-finaliste sera l'Italie. Alors là c'est le groupe de la mort qui Ah va ouais, terrible. sortir le Brésil et l'Argentine. Ouais. Brésil, on va en parler maintenant, qui a été pour moi, alors bon, j'ai pas connu cette Coupe du Monde, mais en voyant diverses vidéos, pour moi qui a été l'équipe la plus élégante de cette Coupe du Monde 82. Ah ouais, moi j'ai adoré le Brésil 82. Il y avait Junior, Falcao, Zico, Socrates. Ah ouais, non mais ça Enfin, c'est ce qui pour se faisait de moi, mieux à l'époque. voilà, le Brésil 82, pour moi, c'est la plus belle équipe du Brésil que Voilà. j'ai jamais vue. Pourtant, ben, elle n'a pas rien gagné, quoi. Peut-être, voilà, lassée de faire un deuxième tour, elle va perdre 3-2 dans un match mémorable face à l'Italie. Bon, elle va tout de même gagner l'Argentine, hein. Pareil, l'Argentine qui est très décevante Ouais, en l'Argentine, 82. c'est. Il y a eu un trou d'air, voilà, entre 78 et 86. Voilà. 82, c'était le trou d'air. Bon, Maradona était. T'es C'est ça jeune, qui. c'était un néophyte dans l'équipe de l'Argentine. Ouais, mais pourtant, il y avait encore des mecs de 78, mais la mayonnaise, elle était plus là, quoi. Voilà. Et Passarella, puis par disons que exemple, voilà. peut-être un peu mauvaise langue, mais les arbitres n'étaient plus avec les Argentins là, ce coup-là. Bah oui. Il n'y avait pas de réfugiés politiques en Espagne, donc c'est compliqué. Voilà, exactement. Donc bah, l'Italie qui sera demi-finaliste, et l'Italie donc lors de la première de bah, la deuxième ou deux. Non, c'était quoi? C'était France RFA la première demi-finale, ou c'était une deuxième demi-finale? Alors ça, je ne saurais te dire. Ah bah, c'est la première, pardon, je crois. Je crois que c'était la première, voilà. Fois, hein. Donc bah, l'Italie qui battra la Pologne 2-0 qui sera en finale. Et on va revenir à ce match, je crois, mémorable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un bijou, je sais pas comment, une pièce, comme une pièce de théâtre, quoi. C'est voilà. Bah, c'est une tragédie. Une hein, tragédie, ouais. Voilà. Ce RFA France du 8 juillet 1982 au stade Ramon Sanchez Pirouan à Séville. Ouais. 70 000 spectateurs, là le stade est plein. Match sur Antenne 2 commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Et là on va avoir droit à... On va passer du rire aux larmes. Bah, du rire, non, parce pas que de la joie aux larmes, peut-être. Tu vois bien dès le départ, quand on voit le match, ouais, qu'on se fait couper en deux dès le début. Hein, parce que la saloperie de Schumacher, c'était que l'épilogue de tout ce qui s'est passé voilà, avant. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Parce que dès le début, ça envoie. Hein, dès le début, on se fait couper en deux. L'arbitre ne siffle pas tout, même pas beaucoup d'ailleurs. C'est même nous qui se faisons avertir parce qu'on gueule, voilà, parce qu'on se fait des coups. Mmh. Donc tu sens que tu vas te faire baiser, quoi. Voilà. Alors, vulgairement, tu sens que si tu vas te la faire, on va te la faire à l'envers, c'est écrit. C'est écrit. Pierre Littbarski. Oui, vas-y, pardon. Après, on n'a pas voulu... On a cru que c'était pas possible, qu'on ne pouvait plus perdre ce match à 3-1. Mm. Quand tu regardes tout, c'est clair que de toute façon, on ne pouvait pas gagner ce match parce que c'était contre nous. Voilà. Donc, Littbarski qui ouvrira le score à la 18e minute de jeu. Ouais. Ensuite penalty. Alors c'est Platini qui va marquer le penalty. L'équipe de France revient à un partout. Voilà. Et là donc ce sera le score final. Mais entre temps il y aura cette agression immonde de Schumacher sur Batiston. Je ne sais pas. Rarement renversant faire un match comme celui qu'il fait ce soir. Bonne balle de Platini pour Batiston. À côté. Aïe aïe aïe. C'est pas vrai. Et encore une fois, Schumacher. Il n'a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà. Ah oui. Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois à ce corner. Alors, c'est, je crois, Michel Platini, hein, quand on voit le ballon, un ballon en profondeur. Un bijou. Un bijou de passe. C'est alors, énorme, le ballon, comme il est. Je sais pas, il n'y aurait pas eu l'agression. Je pense que même Batiston aurait loupé le but, normalement. Hein. Le problème c'est que Batiston c'est un défenseur. Voilà. Donc et après là, voilà. Il la se précision en position d'attaquant, bon bah ça c'est hein, c'est comme on a vu Griezmann hier soir en début de match, il a voulu tacler, il a été grotesque. Voilà, c'est ça. Il s'est pris un jaune. Et j'expliquais à mon fils, je lui dis bah oui, Griezmann c'est un attaquant. Mmh. Donc il ne sait pas défendre, il n'a pas les gestes. Donc là, il a voulu faire le mariole. Il a voulu tacler, bah il a fait vraiment n'importe quoi, voilà. Il a fait une vilaine faute, il prend un jaune. Voilà. Et ben là, Batiston, il est défenseur. Il se retrouve attaquant, il se retrouve seul face au gardien. Bah forcément, t'as pas la lucidité, t'as pas le geste pour le voilà, faire. Voilà, donc bon, il l'aurait mis à côté, mais il y a cette agression, Schumacher qui arrive, et puis il est un peu sur le côté, hein, il tape le visage de Batiston avec comment t'expliquer, sur le flanc, quoi, en fait. Et donc Batiston est par terre inconscient. À ce moment-là, bon, on se comprend, on sait pas trop, hein, même les commentateurs ils disent que Batiston il est tombé, et ils revoient les images, et c'est là qu'ils commencent à comprendre que c'est un peu grave. On voit les soigneurs arriver, Platini qui est à côté en train de réconforter son ami, hein, parce que donc à l'époque Batiston il jouait à Saint-Etienne, c'est ça, avec Platini. On est un petit peu dans l'incompréhension, et on voit tranquillement Schumacher en train de jongler, il attend que ça se passe. Puis il sourit avec l'arbitre. Hein. Voilà. Ils se parlent tous les deux, ils se marrent. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc on saura plus tard que beaucoup de West Allemands étaient dopés. Ah oui, carrément, oui, ils Carrément. étaient shootés. Schumacher en plus qui avait dit bon, ce qui s'est passé à Batiston un peu j'en ai rien à foutre et je crois qu'il avait dit s'il faut que je lui paye un bridge je lui paierai. Voilà, c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Bon, après toi t'as lu son histoire, c'est ça, et puis Ouais, j'avais lu le livre. ouais Il avait sorti un livre. Ben, il le dit, de toute façon, moi j'étais shooté à mort. Hein. Donc j'avais pas conscience de de ce ce qu'il que avait je fait. faisais. Voilà. Et il dit il a fallu un moment pour que je comprenne ça, quoi. Parce Voilà. qu'il a pris, mais il était shooté à mort. Il a dit j'étais dans un état second. Voilà. Donc sur le coup, il a pas compris ce qu'il avait fait, il a pas compris les conséquences. Voilà, donc. Et puis bah surtout, il aura énormément de représailles de la part de la presse et puis même des Français. Il faudra, je crois que c'est combien de temps, quelques temps après, un rendez-vous entre les deux protagonistes, alors entre Schumacher et puis Batiston, pour une poignée de main, entre guillemets, pour que ça fin, pour le pardon, quoi, en fait, de Schumacher sur Batiston. Alors, je sais pas, hein, c'était quoi, peut-être un an après, non? Ou peut-être un peu avant, je sais pas. Non, non, je crois que ça s'est fait dans l'été. Ouais, dans l'été, voilà. Parce que je sais que Batiston, il s'est marié dans l'été. Voilà. Et je crois que ça s'est fait, non, non, dans l'été, avant que le championnat reprenne. Voilà, ouais, c'est Et ça. d'ailleurs, pour la petite histoire, Batiston, sur la photo officielle de Saint-Étienne, avec les maillots, 82-83, il avait une minerve, hein, il Ah pouvait oui. pas jouer, quoi. Et il a enlevé sa minerve juste pour la photo, quoi. Voilà, juste pour la photo, et malheureusement il gardera des séquelles longtemps de ce. Bah même je pense qu'il doit toujours avoir quelques séquelles de cette agression de 82. Je crois qu'il avait des vertiges, des gros problèmes de cervicales, voilà, qui sont restés bah, presque à jamais sur lui, quoi. Bah, faut dire que le choc qu'il y a, c'est quand même impressionnant, hein. Non, ouais, c'est clair. Voilà, donc ça c'était le gros incident de ce match-là. Mais voilà, les deux équipes sont à un partout. Il va falloir jouer les prolongations. Et là, la France qui est en l'espace de 10 minutes. Bah, la Ouais, en France six qui. minutes. En Si, 6 minutes, ouais, on en met 6 2. minutes. Voilà, l'équipe de France qui est en transe. Voilà, 93e minute. Marius Trésor qui marque un Ouais. but, mais magnifique. Ne sont pas à 9 mètres. Oui, Marius Trésor, reprise de volée sur ce coup franc de Alain Giresse. Ah ouais. Une reprise La de corner volée, reprise. voilà. Ouais, c'est un mini coup franc, je crois, c'est pas un coup franc Ah plutôt. oui, Ah c'est non, un mini coup ouais, c'est un franc. petit coup franc au niveau du corner. Ouais, Et c'est un là, mini corner. voilà. Et Marius Trésor qui reprend ce ballon de volée, ça passe sous la barre, c'est magnifique. 2 buts à 1 Ouais, pour c'est un l'équipe de cœur. France. Et puis, il y a ce but de Alain Giresse, 99e minute de jeu. Rocheteau face à Foster. Platini. Platini. Six. En retrait pour Giresse. Il n'a pas vu. Voilà, oui. Oui! Oui! En retrait pour Oui! Oui! Bien joué! Giresse qui marque le troisième but sur ce centre en retrait. Saint-Didier Six. Il explose de joie. Et là, bah, je sais pas, toi, à ce moment-là, tu y crois? Bah oui, Ouais. après, bah c'est même hallucinant parce que Oui. 3 buts à 1, c'est irréel, quoi. C'est irréel, surtout que on s'est fait voler sur la faute de Batiston, il n'y a même pas coup franc, il n'y a pas Voilà. expulsion, il n'y a pas carton, il n'y a rien. Ouais. Donc là, 3-1, tu te dis, bon, bah on Il y a va un le petit faire, truc, il y a une quoi. justice, quoi. Oui, voilà. Malheureusement, bah, 103e minute, Carles Rummenigge qui marquera. Alors c'est là, hein, c'est lui qui fait la reprise de la bicyclette. Non, Non, ça ce c'est sera le 3-3 alors. attends. Si, ouais, lui, il l'a fait, ouais, si. Ouais. Et bah bicyclette, bah Ettori qui ne bouge pas, tout Voilà. simplement. Non, non, mais de toute façon, Ettori, de toute façon, là, ce match-là, il est pour lui, hein. C'est pour lui le Clairement. match, ça c'est sûr. Et 108e minute de jeu, Fischer bah, qui Top Fischer, égalisera. Oh ouais, c'est là, terrible. qui égalise et bah, les équipes à 3 partout. Là, c'est la grosse incompréhension tout de même, quand même. Après avoir bah, mené 3-1, l'équipe de West Allemande qui revient, c'est quand même ahurissant, quoi. Ouais, surtout qu'on a touché la transversale, En hein, plus. pendant les prolonges, je crois que c'est Six. Hein. Ouais. Frappe de Didier Six, magnifique. Et putain, c'est. Non, c'est terrible. Mais moi, j'en ai toujours voulu à Ettori depuis tout gamin parce que. Tu sais, quand t'es enfant, quand tu joues gardien, tu plonges, tu te trouves par terre. Bien sûr. Et de voir ce mec ne jamais plonger sur les buts qu'il prend et sur les pénalties, t'es en colère, tu te dis c'est pas possible. Et après, quand t'es adulte, tu vois ça, tu te dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est et pas d'ailleurs, possible. Lui-même, il n'explique même pas parce que il a eu une interview il y a pas longtemps et il arrive pas à l'expliquer, il dit ouais mais je sais pas, c'est comme ça, enfin c'est comme ça, c'est un truc de fou quoi. Ben, c'est comme ça, c'est que le problème c'est que c'est tout le temps quoi. C'est ça le problème. Ah mais là c'est terrible parce que bon qu'est-ce que t'en es là, qu'est-ce qu'il aurait fait de mieux, c'est ça, mais le problème c'est que là c'est pas possible, donc essayer des buts comme ça, et je pense que le gardien dans ce match là qu'il nous fallait c'était Baratelli. Baratelli, ben, bien sûr. Ouais. Il avait plus d'expérience. Et puis bon, le problème des Français aussi, c'est que on n'a pas su jouer comme il fallait, c'est-à-dire qu'à 3-1, il fallait bétonner, quoi. Bah tu restes en défense et puis t'attends. Et au lieu de ça, on a continué à jouer. C'est ça qui rend encore plus difficile la défaite, c'est qu'on a eu beaucoup de panache. Voilà. Donc on arrive à 3-3, donc cette fameuse séance de tir au but qui restera gravée à jamais dans les mémoires. Hein. Stiliqueux qui manquera le seul penalty pour la RFA. Alors, en plus, et... il tire super mal, le tir au milieu. Voilà. Et encore une fois, Ettori ne bouge pas. C'est ça qui s'arrête. Voilà. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est quand même fou. Et tous les autres penalty que marqueront les Allemands, Ettori restera accroupi, attendant le ballon. Ah non, mais c'est terrible. Au milieu du but et il bougera pas. Alors pour ceux, j'ai jamais vu ça. Voilà. J'en ai eu des matchs, j'en ai vu de ma vie, j'en ai vu plein, des matchs étrangers. À n'importe quel niveau, tu choisis un côté et tu pars quoi. Et pour ceux qui veulent une petite référence, pour ceux qui n'ont pas connu, qui ont peut-être jamais vu les images, faut se rappeler de la finale de la Ligue des Champions d'il y a, alors pas cette saison-là, mais la saison d'avant quand il y avait eu le Barcelone Atlético. Oblak, qui s'est terminé au tir au but, Oblak a fait une Ettori, a fait de l'Ettori et il est resté au milieu sans bouger. Ouais, c'est ça. Voilà, si vous voulez une référence, c'est un petit peu ça. Donc malheureusement, Didier Six, Didier Six, manquera son penalty. Ouais, ouais. Malheureux quand même, Didier Six. Et en plus, c'était juste après que Stiliqueux manque le sien. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est terrible. Et Maxime Bossis, qui va manquer celui qu'il ne fallait pas manquer, hein, celui du c'était le quatrième tir au but, le cinquième même tir au but, avant que Roubaix marque le cinquième et qualifie l'Allemagne pour cette finale. Roubaix, Ettori, but. Et voilà, c'est fait. Voilà, donc c'est vraiment un scénario incroyable, ce match-là. Est-ce que toi, t'as un souvenir d'après-match, t'étais comment? T'étais triste? Enfin, comment tu peux être... Après, moi, j'étais... Tu comprends. Ce match-là, je me rappelle bien parce que j'étais chez mes grands-parents en vacances. D'ailleurs, mes grands-parents sont toujours en vie, ils sont très très vieux maintenant, donc 95 ans. Ah oui. Et on en reparle quand je les revois avec mon grand-père, on en reparle de ce match encore. Et on s'en souvient très bien. Bon, donc quand t'es petit, tu sais, dès que c'est fini, tu vas te coucher, quoi. Ouais. C'est pas, on peut pas refaire le match. Et puis, donc, je vais me coucher. Et puis, c'est le lendemain, dans la presse, tout ça, que, il y a eu un sentiment. Mais bon, moi, curieusement, étant petit à l'époque, j'avais pas retenu ça, moi. Bon, là, moi, j'avais retenu le panache, quoi. Ouais. Bien sûr, l'injustice, mais le panache de cette équipe de France, quoi. Mais par contre, aujourd'hui, tu vois, ce match-là, je l'ai eu regardé, mais par contre, la séance de tir au but, je la regarde pas. Tu sais que j'ai vraiment du mal à regarder ce match-là. Pourtant, j'ai pas du tout connu cette époque-là, mais j'ai du mal. Je peux regarder des matchs où l'équipe de France perd, mais celle-là, j'ai vraiment du mal parce que c'est injuste. Malgré que l'équipe de France aurait dû, comme tu dis, bétonner 3-1, mais c'est injuste de perdre comme ça, quoi. Surtout que l'arbitre a quand même pas mal aidé. Oh, ouais, non, mais l'arbitre. Voilà, puis bon, tu vois certains joueurs quand même galoper encore à je sais pas combien de minutes de jeu, ils sont encore en train de galoper comme s'ils étaient frais. Ouais. Voilà quoi, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, à l'époque, à l'époque, je suis pas sûr. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y avait des soupçons à l'époque de dopage Non, non, non, voilà. Il y en a après, c'est Schumacher qui a balancé ça dans qui son avait bouquin. Balancé, voilà. Mais non, non, non. Mais bon voilà, donc la France eh ben, qui quitte la scène, alors encore il y a encore le match de la troisième place, mais voilà, grosse déception de l'équipe de France, bah, qui ne connaîtra pas sa première finale. Et la France qui va devoir jouer le match de la troisième place face à la Pologne. Bon et là bah, personne veut jouer quoi. Ah oui c'est clair, non mais là Larios bon il joue mais il a pas envie. Ouais. Puis là, bah, on fait jouer ce qu'on peut jouer. Bah, on fait jouer, donc je vais te dire la composition. Hein, t'as Jean Castaneda, ouais, Manu Amoros, Philippe Mahut, Marius Trésor. Bah, t'as encore un petit peu ceux qu'on jouait. Voilà, t'as Gérard Janvion, René Girard, Jean Tigana, Jean-François Larios, Alain Courrioche, Gérard Soler et Bruno Bellone. Voilà. La France va perdre 3-2. Mais, ouais, en marquant hein, à la 13e minute, ouais. Girard. Ouais. Mais après, on en prend 3, là. Alors là, ça fait mal. 41, 44, 46e voilà. Minute. En 5 minutes, t'en as pris 3. Voilà. Donc là, t'as compris. Et puis, Courriol, 73e. Bon, 3-2, mais la Pologne est largement au-dessus. Exactement. Alors, petite info, il faut le savoir. Après la défaite face à l'Allemagne, dans les vestiaires, Giresse, Platini sont allés voir Hidalgo. Et lui ont dit qu'ils ne continuaient pas l'aventure en équipe de France. Voilà. Parce qu'il faut le savoir, Giresse Platini n'était pas tout jeune, hein, les plus anciens. Et que voilà, ils étaient tellement dépités, ils n'y croyaient plus. Et ils ont dit à Hidalgo, écoute, pour l'Euro 84, tu fais sans nous. Tu fais sans nous. Parce que nous, on n'a plus envie là. On n'y croit plus, on n'a plus envie. Et donc Hidalgo les a convaincus de continuer, bon à juste raison à faire. Bien sûr. Mais il paraît que y a des joueurs comme Tigana ou je sais plus lesquels, il a fallu les emmener à la douche parce que les mecs ils étaient dans ils un état tellement en train de pleurer. Ah ouais, c'était des bébés quoi, comme ils disaient. Ouais. Ouais, il a fallu les amener, mais pas les prendre par le bras, les emmener se doucher parce que les mecs ils étaient dépités. Donc, voilà, non, mais ça doit être terrible une défaite comme ça. Et puis après, ben voilà, ce match contre la Pologne, ben c'est le match des cocus, quoi. C'est-à-dire la troisième place, t'en as un foot, t'as perdu en demi-finale, ton rêve est brisé, quoi qu'il arrive. Ouais. Et tu fais jouer ceux qui n'ont pas joué. Donc ceux qui jouent, ben ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Là, le match de médaille de bronze, ils en ont rien à foutre, quoi. Voilà. Donc Larios, il a pas caché son désintérêt pour ce match-là. Castaneda était très très mauvais contre la Pologne. Hein. Ouais. Des erreurs. Ouais, d'ailleurs, hein, c'est son deuxième match en 81 et contre l'Irlande du Nord, donc il avait fait deux grosses bévues et puis bah il montre voilà qu'il est pas à la hauteur. D'ailleurs, je sais pas, c'est peut-être son dernier match avec l'équipe de France, non normalement. Ah oui, c'est fini, hein, mais là c'est terminé. Ouais, terminé. Et puis Baratelli, il a fait il a fait une grosse crise à Hidalgo parce que ouais, bah lui, il a vraiment pas joué du tout quoi. Il a très mal pris. Ouais, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Oui, oui, mais voilà, mais je pense qu'Hidalgo, responsable de sa communication dans cette Coupe du Monde, il y a eu des choses qui ont été faites et qui n'auraient pas dû se faire là. Voilà. Donc grosse déception pour la France qui du coup bah, termine quatrième, hein, qui n'aura pas réussi à faire aussi bien qu'en 58. On va parler un petit peu vite fait de la finale entre l'Italie et la RFA. Et là, je pense que énormément de Français étaient pour l'Italie ce soir-là. L'Italie qui va s'imposer 3-1, voilà, face à cette équipe allemande. Ouais, bah, là, de toute façon, il faut être clair, les Allemands, la France, on les a tués. Hein. Faut être clair avec ça. Ouais. On les a vidés, puisqu'on les a poussés vraiment dans leur retranchement, et ils sont cramés. Ils sont arrivés en finale cramés. Et en plus, l'Italie, qui a été très décevante au premier tour, parce qu'elle est quand même qualifiée sans avoir gagné. C'est vrai. Qu'avec des matchs nuls. Bon, bah là, les Italiens, eux, ils ont fait que monter en puissance dans cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, qui ont eu très, beaucoup de chance. Ils ont été un petit peu aidés par l'arbitre. face au Cameroun, parce que donc le score final était de 1 partout, mais le Cameroun qui avait marqué un deuxième but qui a été injustement refusé pour un hors-jeu qui était inexistant. Donc Ouais. t'imagines, Ah oui, déjà non, mais l'Italie qui c'est aurait pu terrible. être éliminée, quoi. Ouais, c'est carrément ça. Bah écoute, ça aurait été le Brésil qui serait passé Ouais. dans le groupe de la mort. Et puis le Brésil aura peut-être gagné la Coupe du Monde. Moi je pense que voilà, ça se joue à. À des détails, mais beaucoup, hein, comme à chaque fois, ça se joue toujours à des détails. Donc ouais, cette finale. Bah en première mi-temps, il s'est pas passé grand-chose, il n'y avait pas de but 0-0. Déjà. Et puis après, ben ouais, ça s'est fait, voilà, l'Italie qui a mené 3-0, hein, Ouais. Rossi, 57e minute. Après, il y a Tardelli à la 69e et Altobelli à la 80e. C'est ça. Et Breitner, 83e, voilà. Rien à dire, l'Italie était beaucoup plus forte, l'Allemagne était cramée. Et oui, Platini, de toute façon, qui signait à la Juve, hein, Ouais. pendant cette avait dit, voilà, aux Italiens, ben, on espère que vous allez gagner, quoi. Mais bon, voilà, la déception, elle est énorme. Elle est énorme, mais bon, voilà, l'Italie. Mais moi, je me rappelle que cette finale, je ne l'avais pas regardée. Ouais. Parce que pour moi, bah, la Coupe du Monde, c'était la France, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, ça s'arrêtait avec la France, tout Eh oui. simplement. Voilà. Mais Le c'est vrai que meilleur, cette finale, oui. je ne l'ai pas regardée. Ouais, voilà, ouais, malheureusement. Et donc le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, c'est Paolo Rossi, avec 6 buts, voilà. Ouais. Meilleur joueur de cette Coupe du Monde et Ballon d'Or, hein, cette année-là, Paolo Rossi, encore une fois. Ouais, mais là, c'était vraiment son année. Voilà. Et d'ailleurs, bah, il fera une grosse saison qui suivra avec la Juve, hein. Et avec Platini Boniek, je te raconte pas l'attaque. Parce Ah, qu'aujourd'hui, ça devait être beau, ouais. on parle de Neymar, Cavani, Mbappé, ok. Mais je peux te dire que en C'était 82, ce qu'il pouvait se faire de mieux. Paolo Rossi, Platini Boniek, franchement, c'était énorme. Ça a dû régaler, à mon avis, c'est sûr. C'était pratiquement la meilleure triplette au monde, Et donc. malheureusement, il partira saison 85-86 au Milan AC. Là, par contre, ce sera pas la même réussite. Ouais, mais il était en fin de carrière, bon. Voilà, il était un peu Voilà, cramé, quoi. mais la Juve, entre 82 et 86, c'était vraiment du très haut niveau. Ouais. Et le meilleur jeune joueur, bah Manuel Amoros, Ouais, voilà. tout à fait. Ouais, qui était très bien, franchement. Et qui nous a sauvés contre la Tchécoslovaquie Voilà. au dernier match du premier tour, parce que sinon, bah, on passe à la trappe, quoi. Donc une Coupe du Monde en demi-teinte pour l'équipe de France, parce que voilà, on est quand même passé du. Bah, on a commencé avec le doute, hein, face à l'Angleterre. Après, on a commencé à espérer. On a espéré jusqu'à la 99e minute du match contre l'Allemagne, enfin contre la RFA. Et puis malheureusement, bah, tous les espoirs sont tombés juste après. Mais ça, quand même, ça, émotionnellement, ça reste quand même une Coupe du Monde, une belle Coupe du Monde, Oui, quoi. c'est voilà, émotionnellement, c'est une Coupe du Monde qui a été beaucoup plus intense que 86. Pourtant, en 86, on est en demi-finale. Ouais. Mais en demi-finale, on perd contre l'Allemagne, mais on perd C'est pas 2 pareil. à 0. Voilà. 2 à 0 sans lutter, il n'y a pas eu de suspense. C'est ça. Giresse D'ailleurs. est blessé. Platini était au Ah, bout il du rouleau. était Platini. Bah d'ailleurs, Platini, hein, c'est ce que je dis souvent, hein, 84, Platini, il était au top de sa forme, l'équipe de France est allée jusqu'au bout. 82, il avait quelques petits pépins physiques. Il n'a pas pu être à 100%. 86, c'est pareil, il n'a pas pu être à 100%. Et malheureusement, bon, l'équipe de France n'a pas suivi non plus avec lui. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouvera sûrement la prochaine fois pour la Coupe du Monde 86. Hein, il y aura beaucoup de choses à dire aussi sur cette Coupe du Monde. Bah rétro, hein, une nouvelle fois, merci de m'avoir épaulé sur cette magnifique Coupe du Monde. Ouais, de rien, de rien. Et puis à très bientôt. Salut. Salut à tous! Ciao.